Chapitre 3. Quand le général et sa femme furent installés à Cannes, Hubert, pour tenir sa promesse, et aussi un peu pour répondre à un secret instinct de jalousie, se mit à étudier plus particulièrement les allures de son ami Serrant. Celui-ci allait et venait dans tous les mondes, flirtant à droite et à gauche, attrapant de ci de là quelques bonnes fortunes dont il ne se cachait guère qu'à demi, ayant pour principe que les bonnes fortunes des autres excitent chez les hommes une envie qui n'est point dénuée d'admiration, et chez les femmes une curiosité qui ne va point sans une nuance d'intérêt. Comme on le voit, les principes de Charles n'avaient que bien peu d'analogie avec ceux de Marie. Des communications de ce genre n'étaient pas ce qu'Hubert pouvait envoyer à Cannes. Aussi se bornait-il le plus souvent à des énumérations de bals et de premières où il avait rencontré Serrant, très brillant et en bonne santé. Puis tout à coup les lettres, plus rares, ne firent plus du tout mention de l'ami Charles. 2 mois seulement s'étaient écoulés, et le général, se trouvant bien de son séjour, avait annoncé l'intention de le prolonger. La comtesse écrivait toutes les semaines à Serrant, sans jamais recevoir de réponse, comme il avait été convenu. Ses lettres devinrent pressantes, et elle y trahit son inquiétude, car Charles lui-même avait cessé d'écrire au général, ainsi qu'elle l'avait appris en faisant une petite enquête auprès de son mari. Il n'arrivait rien. Donc il se passait quelque chose. Telle était la conclusion que, dans sa logique féminine, la comtesse tirait de ce silence. Elle avait raison. Un matin, elle reçut un paquet recommandé contenant un livre nouveau accompagné de la carte de son ami Hubert, une bande de papier déchiré, qui pouvait avoir été mise là par mégarde, portait ces mots sans signature, interrompus comme s'ils faisaient partie d'une vieille lettre inutile. Cessez d'écrire. Il se passe des choses qui rendent toute correspondance impossible. La comtesse Marie, quoique naïve à l'excès, n'était point sotte. Elle avait dans son buvard une lettre toute prête à l'adresse du cher absent. Elle la saisit, la couvrit de larmes, et la jeta au feu, puis attendit. Quoi ? Ce qui arriverait, car elle l'avait toujours dit. Depuis 15 jours, il arriverait quelque chose. Ce qui arriva, ce fut Hubert lui-même. Le surlendemain, pendant que le général faisait sa sieste, il se fit annoncer chez la comtesse. « Au nom du ciel, que se passe-t-il » s'écria-t-elle en courant à lui. Il la rassura d'un geste fort correct, s'assura que porte et fenêtre étaient closes, et la conduisit à un petit fauteuil où il la fit asseoir. « Monsieur, par grâce !» disait Marie, qui ne contenait plus son agitation. Il prit, tout en lui souriant avec beaucoup de bonté, un flacon de sel sur la table à ouvrage, et s'asseyant auprès d'elle, il lui dit « Vous êtes bien étonnée de me voir. » Elle fit un geste désespéré qui signifiait « Quand vous aurez fini de vous moquer de moi. » « C'est qu'il s'est passé des événements graves. » continua-t-il sans s'émouvoir. « Vous avez reçu mon livre et le petit bout de papier ?»« Oui, oui, oui, après. » « Eh bien, il s'arrêta. Vraiment, la tâche était trop pénible. Si encore il ne l'avait pas aimée. Mais la chérissant comme il le faisait, c'était trop dur de lui porter un coup si cruel. » La comtesse Marie était très femme. Sa candeur native, excusée d'ailleurs par les 24 ans qu'elle avait à peine, n'excluait pas chez elle une grande finesse. Elle étendit la main vers le confident venu de si loin pour lui apporter une mauvaise nouvelle. « Il ne m'aime plus, » dit-elle, les yeux démesurément ouverts. Rivelet fit un geste dans lequel, par un prodige de tact, il sut faire entrer autant de respect que de pitié. « Il en aime une autre, » fit Marie, en se mordant les lèvres, pour trouver la force de parler. « Il se marie dans 15 jours, » répondit Hubert, qui la trouvait suffisamment préparée, étant donné le peu de temps dont il pouvait disposer. Il tenait le flacon de sel débouché dans sa main, prêt à y recourir. Mais la comtesse était une brave petite femme, qui ne connaissait point les évanouissements. Elle se roidit dans son fauteuil, comme pour recevoir encore un nouveau choc, et son intuition féminine venant au secours de sa mémoire soudain surexcitée. « Avec une femme riche ?» dit-elle. Oh, la vraie vaillante créature, pensa Hubert, qui l'eût volontiers embrassée pour tant de courage et de bon sens. Avec une américaine qui a une 12 millions, répondit-il tout haut. Elle baissa les yeux et réfléchit un instant. 1000 détails inexpliqués que, dans son ignorance, elle avait mis sur le compte de l'exaspération où peut se trouver parfois un homme très épris, séparé de celle qu'il aime. 1000 petits manques d'égard ou de goût lui revinrent à l'esprit. Il comprit tout à coup ce qui s'était passé dans le cœur, ou plutôt dans la tête, de celui qu'elle avait jusqu'alors considéré comme un dieu et le maître de sa vie. Il se marie avec une femme très riche, dit-elle posément. Alors il a manqué de patience. Hubert avait peine à cacher l'admiration que lui inspirait en ce moment la conduite de sa jeune amie. « Vous l'avez dit, » répondit-il d'un ton contenu. Elle réfléchit un instant. « Dites, » fit-elle, « il doit être bien embarrassé pour m'annoncer son mariage. « Je le pense, » dit le confident. Une idée traversa le cerveau de la jeune femme. « Il vous a peut-être envoyé ?» dit-elle inquiète. Riblet protesta du geste. « Laissez-moi le mérite, » ajouta-t-il, « d'avoir voulu vous épargner un choc brutal et immérité. L'annonce du mariage sera demain dans le Figaro. » Après un court silence, Marie leva les yeux sur son amie. « De sorte, » dit-elle, « que vous avez fait ce long voyage uniquement pour moi ?»« Pour que ce ne soit pas un entrefilet de journal qui me jette à la figure la trahison de celui que je considérais comme devant être le compagnon de ma vie entière ?»« Chère madame, » fit Riblet, « je vous en prie. » Elle était si près de pleurer qu'il eut envie de la prendre dans ses bras et de l'y bercer comme un enfant grondé. Mais c'eût été une action tout à fait inopportune. Il se fit un visage très sérieux et dit tout bas, « À présent, il s'agit d'avoir vos lettres. »« Mes lettres ?» s'écria Marie. « Je lui ai ordonné de les brûler à mesure. » Hubert esquissa un geste de commisération polie. « Vous pouvez être certaine, chère madame, que vos lettres ne sont pas brûlées, à moins qu'il n'ait accompli ce sacrifice hier ou avant-hier. Bref, depuis que son mariage est convenu, Marie était devenue toute rouge, mais de colère cette fois. « S'il avait fait cela, » dit-elle, « voulez-vous que je vous les rapporte ?» conclut poliment Hubert. « Ah, mon ami, faites cela, et je vous en aurai une reconnaissance éternelle. » « Alors autorisez-moi par un bout d'écrit. » Elle déchira une page de son bloc-notes et écrivit dessus, d'une belle écriture large qui ne tremblait pas. « Remettez à M. de Riblet tout ce que vous pouvez avoir à moi. » et signa son nom de jeune fille courageusement. « Chère imprudente, » pensa Hubert, « heureusement que vous êtes en bonne main. » Au bout de 48 heures, Hubert, venu pour passer un mois à Cannes, reçut un télégramme qui réclamait impérieusement sa présence à Paris. Le général en fut absolument bouleversé. Il se promettait en agrément de la société de ce jeune homme si parfaitement élevé. C'est avec le plus vif regret qu'il le vit partir. Il le chargea d'ailleurs de laver la tête à son ami Charles Serrant. « Quel diable » dit-il, « quand on possède un parent de qui l'on attend quelque bien, c'est le moins qu'on lui annonce son mariage par un bout de lettre, au lieu de le laisser apprendre par le journal. Dites-lui bien, Riblet, que ma femme et moi, nous en avons été extrêmement froissés. » Hubert, à peine arrivé, se rendit chez Serrant, qu'il trouva noyé sous un déluge de factures, de notes et de réclamations, toutes relatives à des affaires d'argent. « Depuis qu'on sait que je me marie, » grommela le refiancé, « voilà mon courrier quotidien. Ces gens-là n'ont ni délicatesse ni patience. »« C'est vrai, » fit Hubert, « ils auraient dû attendre que vous fussiez mariés. » Charles ne sourcilla pas. Ses mots traduisaient exactement sa pensée. « Je viens, » reprit Riblet, « chargé d'une mission tout à fait confidentielle. À l'annonce de votre mariage, la comtesse Marie m'a chargé de vous redemander des papiers qu'elle vous avait confiés. » Serrant fit un brusque mouvement. De toutes les revendications, c'est celle qu'il attendait le moins. « Comment ? » dit-il, « je ne comprends pas. » Riblet tira de son portefeuille les deux lignes signées par la jeune femme, et quand il les eut laissées assez longtemps sous les yeux de Serrant, pour que celui-ci pût les avoir apprises par cœur, il les reprit et les réintégra dans la pochette qu'elles occupaient. Charles n'essaya point de se défendre, ni d'alléguer la non-possession de ses lettres, qu'il était censé avoir brûlées. Il ouvrit un tiroir à peine fermé à clé, en tira un paquet assez volumineux. La comtesse avait la fâcheuse habitude d'écrire sur du vélin très fort, qui ressemblait à de l'ivoire, et le remit à Hubert impassible. « Et le reste ?» demanda le confident. Serrant prit dans un autre tiroir un petit paravent composé de 8 photographies. C'était la comtesse Marie dans 8 poses différentes, à fond perdu, sur fond noir, à l'éclairage électrique, en plein air, à cheval, etc. « Voilà, » dit-il. « Cherchez bien, » continua Hubert, toujours imperturbable. « N'y a-t-il plus rien ?»« Ah !» fit Charles, comme se souvenant. Il détacha de sa chaîne de montre un cachet formé d'une pierre gravée qui portait ces mots « à toujours ».« C'est tout, » dit-il en posant le cachet sur la table. « Je vous remercie, » fit Riblet qui se leva. « Eh bien, vous vous en allez comme ça ?»« Oui, je suis pressé. » répondit froidement Hubert. Charles le suivait d'un air embarrassé, pendant qu'il se dirigeait vers la porte. Quand il eut la main sur le bouton, Hubert se sentit tiré par la manche. « Et qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas, quand ils ont appris mon mariage ?» Hubert ouvrit la porte et se tint sur le seuil. « Le général a dit que vous auriez dû leur écrire, que c'eût été plus correct. »« Oui, je comprends cela, » fit Serrant toujours aussi ennuyé. « Et la comtesse, qu'est-ce qu'elle a dit ?»« Elle m'a prié de vous redemander ses papiers. Je vous l'ai dit et prouvé. Adieu, mon cher, soyez heureux en ménage. » Il s'en alla là-dessus, sans que Charles songe à lui tendre la main. « Quel ours !» pensa Serrant, lorsqu'il se vit seul. « Mais en somme, tout s'est bien passé. »« Quelle chance j'ai eu de me tenir avec cette petite femme-là. Voit-on les embarras que j'aurais eus si... » Ce fut l'oraison funèbre de son amour, amour à fleur de peau, qui avait été sincère et qui fut vite oublié. « Butor !» s'est dit Hubert, en foudroyant du regard l'innocente maison qui abritait la tête de son ex-amie.